s'affole et dans la foule je deviens solo. Les filles sont solo, les tontons sont sous là. Je vais les tacler comme un joueur. Nada que black, ça vient des taudis. Mais on les ambiance comme un cocody. Coco Rico, chérie, cocody. Pardon, faut oublier. Même quand on n'est pas là, notre musique fait danser Montana. Même quand on n'est pas là, notre musique fait danser Montana. Ah, ah, ah, ah, une ambiance garantie. C'est ton calme. Ah, eh, voilà. Si aujourd'hui, pas demain. A la gueule, les, ils vont payer la note, là, tout est noté. Voir